Bienvenue au Grain de Sable, ici Jean Cloutier. Je vous rappelle que ça fait plus de 12 ans déjà qu'Attaque Québec s'attache à donner aux citoyens et citoyennes des outils pour qu'ils puissent se réapproprier les débats qui les concernent. Et aujourd'hui, les élections fédérales sera le thème vraiment de quasiment toute l'émission. On a avec nous notre chroniqueuse quotidiennement hebdomadaire, Dominique Vernier avec nous. Bienvenue, Dominique. Merci, Jean. En studio, et nous aurons par la voie des airs téléphoniques en deuxième demi-heure le président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt, un spécialiste du libre-échange. Donc, effectivement, on abordera des thèmes qu'on retrouve dans le bulletin qui est tout chaud, Dominique, hein, un bulletin tout chaud qui vient de sortir sur les élections fédérales. Et je pense que c'est une tradition d'Attaque Québec, ça. Oui, Attaque se commet en général, ben, sans se commettre en tant que tel, parce qu'on se positionne pas en tant que tel pour un parti ou pour l'autre. On trouve important là, d'expliquer à nos membres et à ceux qui nous suivent quelle est notre réflexion par rapport à ce qui se passe en campagne électorale, par rapport aux propositions des partis en lien avec les grands thèmes que l'on couvre, soit le libre-échange, la taxe sur les transactions financières, les paradis fiscaux, l'environnement et autres. Oui, et d'ailleurs, si on va sur le bulletin numéro 50 de septembre 2015 de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, donc c'est facile, vous faites Google Attaque Québec, vous allez tomber sur le site et pouvoir cliquer et télécharger le bulletin au complet qui est effectivement à la veille d'élections décisives pour l'avenir du Canada et même de la planète, hein, parce qu'on parle beaucoup des changements climatiques. Ben effectivement, le futur premier ministre du Canada, élu le 19 octobre, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, ben il sera à Paris, à moins que ce soit le premier ministre actuel, Stephen Harper, qui refuse d'y aller comme c'est déjà arrivé dans le passé, mais Attaque s'est penché sur les programmes des partis qui s'affrontent pour connaître clairement leur position en ce qui concerne les sujets qui nous mobilisent. Le bulletin vous présente donc le résultat de leur analyse dans plusieurs domaines différents, et je vais vous donner les titres quand même des articles si jamais il y a un domaine qui vous intéresse plus que d'autres, puis d'ores et déjà aller, puisque c'est tout chaud, hein. Je pense que ça fait à peine 24 heures que c'est sur le site. Exactement, oui. Informer pour permettre de choisir par Claude Vaillancourt, Claude nous met la table sur les sujets qui préoccupent Attaque Québec et qui préoccupent justement les intermondialistes qui s'intéressent à la cause et à la mondialisation. Donc, dans cette course électorale, quelle est la position des partis politiques en matière de libre-échange? Un texte signé par Catherine Caron. Évidemment, on y parlera de gestion de l'offre dans ce texte. On reviendra plus tard sur le contenu. Mais il y a un autre texte qui va sûrement vous intéresser sur la taxe sur les transactions financières. Et semble-t-il, ce qu'on peut comprendre dans le texte de Claude Vaillancourt, qui nous donnera plus de détails en deuxième demi-heure, c'est que c'est un aspect négligé dans cette campagne. Pour l'instant, c'est vraiment pas un enjeu, alors que ça devrait en être un. Lutte aux paradis fiscaux, que sera le Canada? Que fera le Canada par Roger Lanoux? Et on peut y voir dans ce texte qu'il y a peut-être 5 à 8 milliards de perdus, hein, en revenus fiscaux. Un autre texte très intéressant, le défi du changement climatique, un enjeu invisible, par Dominique Bernier et Baptiste Gaudry. D'ailleurs, après cette pause musicale, on ira plus en profondeur sur ce texte que Dominique a signé. Et évidemment, en campagne électorale, moi j'aime bien, c'est un sujet qui m'a préoccupé longtemps, qui m'a même amené mon engagement en politique, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Alors, à vous intéresser, même si on va parler d'élections fédérales, Dominique et moi, on ne représente aucun parti politique, et on sait qu'il y a des règles du CRTC qu'on va respecter. En fait, nous, on fait tout simplement rendre public le contenu d'un bulletin écrit par des experts, en essayant d'être le plus impartial possible, non partisan certainement, donc ne vous en faites pas, tous les partis seront cités dans la réponse de ces questions faites par les auteurs. Donc, moi, le texte m'intéresse le plus, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, changer le mode de scrutin pour respecter la démocratie. Alors, on y verra que, d'ailleurs, aux dernières élections, il y a eu 61% de participation et le gouvernement actuel a été élu avec à peine 40% des votes. Ce qui veut dire que, grosso modo, c'est le quart des électeurs qui choisissent qui va nous gouverner d'une manière monarchique constitutionnelle, autrement dit. Une fois qu'on les a élus, il n'y a pas moyen d'enlever un député, en tout cas actuellement, mais j'ai vu dans les journaux, aujourd'hui, peut-être en avez-vous entendu parler, c'était un des débats, Force et démocratie, là, un nouveau parti créé par un ancien du Bloc québécois, là, Jean-François Fortin, semble-t-il que eux, dans leur promesse électorale, ils n'ont aucune chance d'être élus de toute façon, justement, dans le système de mode de scrutin uninominal majoritaire un tour actuel. Mais ils ont quand même le culot au fédéral de promettre pour la première fois d'avoir la possibilité de faire une pétition pour faire sortir un député qui aurait été élu là, le 19 octobre. Donc, on ne sait pas si certains partis politiques vont écouter ça au cours des prochaines années, mais donc ça peut être un enjeu intéressant. On pourra peut-être en reparler, mais essentiellement... pour faire entendre sa voix dans les élections, on n'est pas toujours entendu, n'est-ce pas, Dominique? Effectivement, le mode de scrutin qu'on a, qui est hérité de l'Empire britannique, c'était très bien à l'origine, possiblement quand ça a été créé. Par contre, c'est complètement désuet. Il n'y a plus beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas adopté une forme ou l'autre là, de mode de scrutin avec une composante proportionnelle. C'est une revendication de longue date là, de la part de différents groupes. Et en général, les partis, quand ils sont dans l'opposition, sont d'accord pour implanter un mode de scrutin proportionnel. Mais dès qu'ils sont élus et que ça les favorise, parce qu'en fait, notre mode de scrutin gonfle la majorité, c'est ce qui fait que les plus gros ont le plus de chances de gouverner, en fait, et que ça leur permet de gouverner de façon un petit peu autocratique, parce que même avec 35% des voix, ils peuvent être majoritaires, donc ils n'ont pas de compte à rendre, ils n'ont pas à négocier avec les autres partis pour passer des lois. Donc on comprend qu'une fois au pouvoir, très souvent ils changent leur fusil d'épaule et décident de ne pas aller de l'avant avec un mode de scrutin proportionnel. Et d'ailleurs le Bloc québécois est un bon exemple là-dedans. À l'époque où il y avait 50 députés, ils avaient fait l'analyse que s'il y avait une sorte de proportionnel, il y aurait beaucoup moins de députés. Alors ils étaient contre, alors qu'aujourd'hui, avec 2-3 députés, et faisant, en tout cas à l'époque, quasiment 20% du vote aux dernières élections, là, il aurait été pour le vote proportionnel, alors qu'à l'heure actuelle, ben il tourne autour des environs 10-15%. Peut-être qu'il serait moins ou plus, dans le fond, s'ils ont 10% de 78 députés, c'est déjà mieux que de n'avoir aucun élu, comme les sondages nous le disent à l'heure actuelle. Et les sites que j'aime bien fréquenter, je sais pas si tu les fréquentes, Dominique, mais 308, qui devrait s'appeler 338 aujourd'hui, parce que ça fait référence au fait qu'on avait 308 circonscriptions électorales à travers le Canada. Mais il y a un expert qui s'amuse à prendre tous les sondages qui sont diffusés partout dans le Canada et d'y mettre les projections électorales, les projections d'élections dans chacune des circonscriptions électorales. Et à l'heure actuelle, ça donne le NPD gagnant au Québec dans la majorité des cas. En tout cas, ils ont une certaine majorité sur les 78 actuels. En Ontario, c'est les libéraux. Dans le milieu du Canada, c'est le Parti conservateur. Dans les Maritimes, c'est les libéraux. Dans la Colombie-Britannique, c'est un mélange entre le NPD et les libéraux et quelques verts dont Elisabeth May est perdue à travers ça. Donc, on se retrouve vers un gouvernement minoritaire. Donc, c'est de plus en plus important de prendre votre vote et d'aller le déposer le 19 octobre ou avant. Oui. Puisque c'est primordial, on pourrait se retrouver, selon certaines projections, avec une centaine de quand je dis une centaine, de 100 plus ou moins un député conservateur, 100 plus ou moins un député libéraux, 100 plus ou moins un député néo-démocrate, 2 députés verts peut-être au max, et aucun du Bloc. Donc, on se retrouverait, encore une fois, avec une centaine de députés, hein, 101 ou 102 députés, que ce soit n'importe quelle couleur, qui, eux, vont diriger pendant les 4 prochaines années. Effectivement. Puis, en fait, contrairement à des pays qui ont une tradition de la collaboration parce qu'ils ont un mode de scrutin qui oblige cette collaboration, et nous, on a plus une tradition, je dirais, de la confrontation avec un mode de scrutin qui est fait pour favoriser l'alternance entre deux partis principaux. Et là, si on se retrouve avec 3 partis presque à égalité, ça vient poser de sérieuses difficultés, et on imagine que si les parlementaires ne changent pas leur façon de fonctionner entre eux, ça risque d'être assez houleux en chambre, une composition comme celle-là. Ou encore une fois, provoquer des ententes entre partis. La culture, on le voit bien dans le bulletin d'Atta Québec, on n'a pas encore atteint cette culture parlementaire de faire des alliances, comme on le voit si bien en France, en Allemagne, et dans d'autres pays où certains petits partis réussissent à avoir une influence sur les grands partis en abusant de leur balance du pouvoir. Effectivement. On pourrait peut-être parler de quelques faits saillants là, actuels dans la campagne. On sait qu'il y a des éléments très, très divisifs qui sont sortis récemment. On sait que la crise des réfugiés vient diviser énormément, vient faire en sorte que les gens sont campés dans leur position, que les partis aussi sont campés dans leur position. Et cette semaine, vous l'avez vu, il y a eu ce jugement qui a été mal compris, en fait, là, sur la question du niqab, là, du voile islamique qui cache le visage et de sa pertinence là, dans un contexte de cérémonie de citoyenneté. Attaque Québec se prononce pas sur le fond là, de ces éléments-là, donc je vais pas aborder de position précise relativement à ça, simplement souligner que ça vient, disons, pour le moins diviser grandement la population et changer un petit peu la donne là, de cette campagne qui, avant ça, s'annonçait un peu... Il y avait des tendances qui se dessinaient, mais là, on peut être sûr de rien avec ces éléments plus divisifs là, qui vont peut-être pousser certains électeurs à se ranger davantage du côté conservateur ou du côté NPD ou même libéral. Donc, ça risque de c'est comme un rebrassage des cartes auquel on assiste. Oui, effectivement. D'ailleurs, au début de la campagne, d'ailleurs, elle a commencé deux fois plus tôt que prévu. Donc, on a comme deux campagnes en une. La première campagne qui a été déclenchée par le premier ministre actuel, Stephen Harper, a fait en sorte qu'à ce moment-là, on pensait que le vote québécois néo-démocrate pour influencer le vote ontarien, donc qu'il y ait plus de députés élus néo-démocrates en Ontario, mais à l'heure actuelle, on est en train d'assister avec cette longueur de campagne que c'est plutôt le contraire. C'est que là, étant donné que les libéraux fédéraux semble-t-il majoritairement peut-être élus en Ontario, pourraient avoir une influence sur le vote québécois où beaucoup de gens pourraient peut-être commencer à trouver M. Trudeau un peu plus intéressant qu'il l'était. C'est sûr que c'est dans le domaine du possible actuellement. Hein. Je pense qu'on peut pas actuellement faire de prévisions vraiment fiables parce que ça peut changer à tout moment. Il y a un autre élément, en fait, qui est sorti récemment et qui tente, en fait, d'amener une couleur plus environnementale à la campagne. C'est une initiative, en fait, de Naomi Klein et d'autres écologistes comme David Suzuki au pays qui nous invite et qui invite, en fait, les partis politiques à se commettre en faveur d'un grand bond en avant. Un grand bond en avant qui vise la transition, mais une transition rapide là vers l'abandon des énergies fossiles, vers le développement des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, qui invite aussi à remettre en question les accords économiques. Et ça, pour nous, à TAC, c'est super intéressant. Ça nous invite à dire que nos accords internationaux devraient beaucoup plus porter sur la question des changements climatiques et de la façon d'y faire face de manière efficace plutôt que sur des éléments uniquement économiques ou uniquement en matière d'investissement. Donc, ils demandent qu'un frein soit mis aux accords commerciaux qui donne le pouvoir aux entreprises là, de s'ingérer dans nos lois et règlements dont on se dote pour reconstruire les économies locales. Donc, c'est un manifeste très intéressant, environnemental, mais aussi très social, qui nous invite à repenser notre façon de vivre en société. Et je pense qu'à cette étape-ci de la campagne, c'était grandement nécessaire parce que, comme on l'a écrit dans le bulletin qu'on a produit à attaque sur les élections, les changements climatiques étaient pour le moins absents avant cette sortie-là des écologistes canadiens. Ils viennent aussi dans leur manifeste, déclarer que l'austérité s'en prend systématiquement au secteur sobre en carbone, donc au secteur qui ont pas d'impact négatif sur les changements climatiques. Puis, dans le fond, il qualifie l'austérité de pensée fossile qui menace la vie sur la Terre. Donc, je trouvais ça très intéressant de le souligner. Je pense que c'est un élément vraiment dans la campagne qui était nécessaire. Et il y a une activité le 23 septembre prochain à Montréal, dans laquelle Attaque Québec est impliquée, un débat animé par Jean-François Nadeau du journal Le Devoir. Ça se fait mercredi, le 23 septembre, organisé en collaboration avec le journal Le Devoir. Donc, c'est un enjeu, évidemment, qui va être discuté à ce moment-là. Effectivement, oui, c'est ça. Et il y a aussi, je crois, vous savez, le groupe Élan Global, qui est au Musée de la Civilisation, mercredi prochain, le 23 septembre, à Québec, là, si vous n'êtes pas à Montréal. Il faut avoir bonne chance que vous soyez à Québec si vous êtes un auditeur de CKRL. Oser douter, réflexion citoyenne, désinvestir des hydrocarbures. Éric Pinault et Sébastien Collard animeront cette conférence. Alors, on vous invite à y participer, à aller poser vos questions en rapport avec la campagne électorale. Oui. Dominique, vraiment ton texte, Le défi du changement climatique, un enjeu invisible, avec Baptiste Gaudry. J'aimerais qu'on en reparle après cette pause musicale. Très bien. Le président a déclaré la mort du peuple ce matin. Il a failli nous faire pleurer, il avait tellement de chagrin. Le premier ministre agacé nous a dit qu'il faudrait s'y faire. Il était tellement affolé qu'il a mis sa veste à l'envers. On est resté le cul par terre. Et puis on a regardé en l'air. Les a vivement encouragés à nous dire que tout allait bien. Quand il est venu à la télé, il a mis de l'eau dans son vin. Nous a simplement remerciés d'un petit geste de la main. On s'est senti paumé soudain. Venait de perdre un copain. On était presque moins que rien. Alors on a regardé au loin. Mickey 3D dans l'album Matador, et vous avez peut-être reconnu le titre La mort du peuple. Ben oui, si on va pas voter, c'est la mort du peuple, n'est-ce pas, Dominique? Mais Dominique, j'aimerais vraiment là, qu'on parle de ton sujet de prédilection. Je sais que c'est un sujet que tu connais beaucoup, puis là, tu as contribué à la rédaction de ce texte avec Baptiste Gaudry, Le défi du changement climatique, un enjeu invisible dans la campagne électorale? Effectivement, avant le manifeste du grand bond en avant, on pourrait dire que c'était à peu près absent là, de la campagne, cet enjeu-là. Baptiste Gaudry, qui est membre du conseil d'administration d'Attaque Québec, lui aussi, et moi, on s'est penchés, on a voulu éplucher en fait les propositions des partis en matière d'environnement pour essayer de voir ce qu'il en retournait. Et la première constatation qu'on a fait tous les deux en cherchant l'information, c'est que d'une part, cette information-là est pas facile à trouver. En fait, les sites web des différents partis sont très, très peu éloquents sur les propositions. Et quand les propositions sont présentes, elles sont résumées de façon très succincte. Et là, on parle des principaux partis, tant le NPD que le Parti libéral du Canada, que le Parti conservateur. Pour le Parti libéral du Canada, j'aimerais juste mentionner que quand on arrive sur leur site web, on a le choix. Ça nous demande si on va voter pour le Parti libéral du Canada et on a le choix entre oui et peut-être, ce qu'on a trouvé assez comique. Il n'y a pas l'abstention possible. Effectivement. Il y a le Parti vert du Canada qui est le seul parti, en tout cas à la lecture de leur site web, où on peut vraiment en savoir plus sur leurs propositions et qui nous donne une information beaucoup plus substantielle. Donc ça, c'était quand même apprécié là, comme visite. Du côté du Parti conservateur, les propositions sont vraiment axées sur la sécurité et sur l'économie. Il y a plusieurs propositions qui vont dans ce sens-là. C'est très, très, très léger, très peu développé sur la question de l'environnement. C'est pas une surprise. Le Bloc québécois a étoffé davantage ses propositions là dans les derniers jours. Donc, il y a davantage de propositions peut-être plus développé là, sur la question environnementale. Mais du côté des autres partis, en fait, on a dû, Baptiste et moi, faire des manœuvres pour arriver à savoir quelle était la position des partis, c'est-à-dire qu'on est passé par nos contacts pour essayer d'obtenir des documents internes, pour essayer d'obtenir les programmes des partis, les cahiers de résolution qui ont été développés au fil des années, pour en arriver à se faire une tête là, sur ce que ces partis-là ont vraiment en tête en matière d'environnement. Donc, si je commence par le Parti conservateur, ben je l'ai dit, en fait, il n'y a aucune proposition relative aux enjeux climatiques. Dans un énoncé politique officiel de 2013, il opposait protection de l'environnement et prospérité économique. Donc, ça résume assez bien la pensée du Parti conservateur en la matière. Ils utilisent des belles paroles pour nous dire que, dans le fond, ce n'est pas pour eux un enjeu primordial. J'ai un bel exemple que je trouve dans le texte. Il entend, donc le Parti conservateur, il entend également promouvoir les énergies de remplacement, éoliennes, solaires, géothermiques, les combustibles de transition, biodiesel, éthanol, gaz naturel, sans pour autant expliquer quelles sont ses cibles ni comment il souhaite procéder. Non, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez... qui est présent chez tous les partis. Là. C'est difficile de connaître des cibles précises de réduction de gaz à effet de serre, de réduction d'utilisation des énergies fossiles. Là. Les différents partis sont pas vraiment clairs là-dessus. Le Parti vert du Canada est vraiment l'un des partis qui va le plus loin en la matière. Il parle ouvertement de limites à la croissance. Il a un plan très, très développé pour... fait des liens vraiment beaucoup avec l'économie et l'environnement et un plan pour réformer l'économie afin qu'elle soit soutenable. Là, on parle vraiment de transition ici. Puis c'est des propositions qui sont claires, qui sont détaillées, qui visent à réduire notre dépendance au pétrole puis limiter les changements climatiques. Et ils sont évidemment ceux qui ont les plus hauts objectifs. Oui, oui, oui, c'est, si je cite l'article... Le Parti vert du Canada, un leader dans le domaine des négociations internationales sur les émissions de gaz à effet de serre, en proposant de réduire les émissions canadiennes de 40% mm-hmm. en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2020, puis de 80% d'ici 2050. Alors, on peut voir qu'avec un objectif d'élimination des carburants fossiles au Canada d'ici 2050, ils pourront peut-être faire des miracles, mais... Effectivement, oui. Puis, c'est un parti qui est aussi très critique de la préséance des accords économiques sur le droit à un environnement sain, là, du fait que les accords économiques tendent à venir bousiller les lois dont on se dote pour protéger l'environnement. Le PLC, Parti libéral du Canada, quant à lui, il y a une plateforme qui s'intitule « Du vrai changement, un nouveau plan pour l'environnement et l'économie du Canada et la lutte contre les changements climatiques ». C'est un plan de développement d'emplois verts principalement, qui est une bonne chose quand même, qui vise à réduire la pollution puis la quantité de gaz à effet de serre, tout en créant des opportunités économiques et le développement de technologies vertes. Vous savez qu'à ATAC, on a une position assez critique là, sur toute cette question de l'économie verte, là, du verdissement du capitalisme. On en a déjà... On en a déjà parlé au grain de sable. Oui, mais au moins, ce que je vois dans votre texte, c'est que le PLC souhaite également supprimer progressivement les subventions accordées à la production de combustibles fossiles en vertu de l'engagement pris par le Canada au G20. Ça, c'est au moins une bonne tendance, là, que si on réduit les subventions données aux pétrolières, finalement, eh bien, on a quand même une première étape intéressante. Là. Oui, puis ça, je dirais que tous les partis d'opposition sont plutôt d'accord pour réduire... ou éliminer complètement les subventions aux combustibles fossiles, ce qui est une bonne chose. À savoir comment ça va se concrétiser une fois le parti au pouvoir qui va devoir faire face au puissant lobby pétrolier, ça reste à voir, mais en tout cas, l'intention est là. Ils veulent mettre un marché du carbone, ce qui est dans toutes les autres provinces qui n'en ont pas encore, donc autres que le Québec et l'Ontario et la Colombie-Britannique. Ça pourrait être une bonne affaire qu'il y ait une direction fédérale dans ce marché. Oui, c'est certain. Le NPD, aux dernières élections, on se rappelle que le NPD avait une plateforme environnementale très, très développée, très étoffée. Greenpeace, Équiterre et compagnie les avaient classés au même niveau que le Parti vert du Canada à l'époque. Cette fois-ci, c'est pas vraiment clair. En fait, comme je vous disais, ça fait partie des manœuvres qu'on a dû faire. On a dû fouiller dans les vieilles propositions. Ils ont des propositions adoptées de longue date qui sont très ambitieuses, qui s'articulent autour du concept de juste transition, donc une transition énergétique, une transition écologique, qui vise à, en même temps à répartir la richesse davantage. Donc ça, c'est les propositions qui ont été adoptées là, par les différents congrès du NPD. Par contre, actuellement, on n'a pas accès, si on cherche sur le web, on n'a pas accès à ces propositions-là. Et ce qu'on trouve sur le site du NPD est quand même très mince actuellement. Et sur la question des pipelines, ils sont pas vraiment clairs. C'est dommage là. On sait que Mulcair s'oppose à l'oléoduc Keystone. Il s'oppose aussi à l'inversion du flux du pipeline d'Enbridge. Qui veulent transformer, en fait, là. Mais sur le projet d'oléoduc Énergie Est et le transport du pétrole par train, ils sont plutôt muets ou pas très clairs. Ou bornés. c'est pas dur à dire. Quant au Bloc québécois... Mais il y a quand même espoir. Je sais qu'il y a un candidat comme ici, Raymond Côté, dans Beauport-Limoilou, qui a des racines vertes au municipal, en tout cas, de ce que je connais de lui. Et c'est un ami, d'ailleurs, de CKRL. On le salue s'il est à l'écoute. Il peut, des fois, se penser être un porte-parole plus vert que les autres pour essayer de faire changer son parti et peut-être même s'ils sont au gouvernement un jour, d'espérer influencer dans le bon sens. Mais c'est des partis pan fédéral, pan provincial, c'est toujours difficile de vouloir faire plaisir à l'un et à l'autre. Et là, dans ce cas-ci, s'ils veulent avoir le vote dans les provinces de l'Ouest, ben il faut pas qu'ils soient trop contre ce projet-là qui est créateur d'emplois là-bas, mais pas ici. Effectivement. Puis en fait, il faut savoir que la base militante du NPD est bien sûr très progressiste, très écologiste aussi. Mm-hmm. Et la plupart des candidats, sans aucun doute aussi, là, portent ces valeurs-là. Par contre, bon, c'est ça, l'idée, c'est que plus un parti se rapproche du pouvoir, plus il tend à se situer au centre de l'échiquier politique. Et puis là, c'est ça à quoi on assiste là, avec le positionnement de Tom Mulcair actuellement. S'ils sont élus, il reste à voir ce qui va être mis en place. Là, on peut toujours espérer, là, étant donné que, bon, justement, la base militante va sans doute tenter de faire en sorte que le chef respecte ce qui a déjà été adopté par le parti. Ça, j'espère que Gilles Duceppe du Bloc québécois va aussi embarquer dans ça, parce que moi, honnêtement, à ce moment-ci, il faudrait que je dise que à l'époque, en 2014, à Rimouski, j'y étais comme délégué du Bloc québécois, à essayer de verdir le programme du Bloc québécois. Et c'est à l'époque où Duceppe n'était pas là. Il n'y avait même pas de chef, effectivement. Il était élu à la fin du congrès. Donc, je me souviens d'avoir assisté avec d'autres à toutes sortes de tentatives de rendre plus vert le programme du Bloc. Mais dans les dernières semaines, n'étant plus vraiment impliqué dans ce parti-là, j'ai été très déçu de voir que M. Duceppe laisse tomber beaucoup de résolutions qui avaient été adoptées en congrès et laisse tomber beaucoup de choses en rapport avec l'environnement. Mais toi, qu'est-ce que tu as découvert du Bloc québécois dans leur site ou l'information qu'ils ont pu rendre publique? Parce que c'est au compte-gouttes encore une fois. En fait, c'est sûr que les propositions du Bloc québécois sont articulées autour de l'idée de souveraineté. Donc, en fait, leurs propositions en matière d'environnement et de changement climatique, ce sont des principes très généraux. Là, j'ai pas vu de principes chiffrés en tant que tel, puis c'est un peu normal parce qu'en fait, le Bloc québécois cherche à influencer le gouvernement en place. Il aspire pas à former le gouvernement, donc on peut pas s'attendre d'eux qui proposent des choses très, très nécessairement chiffrées. L'objectif derrière les propositions environnementales qui sont avancées par le Bloc, c'est le but d'éviter de dilapider le patrimoine du Québec. Donc, on voit l'idée de souveraineté ici. C'est pour eux, c'est davantage une idée de protection là, de ce qui appartient aux Québécois, d'éviter que ça soit dilapidé plutôt que de protéger l'environnement pour des raisons écologistes en tant que telles. Il parle quand même de transition vers une économie sans pétrole, donc il s'oppose au passage du pipeline Énergie Est au Québec. Il souhaite miser sur les énergies vertes et faire de la conservation d'énergie un principe important. Mais tout ça reste dans le très général. Donc, c'est plus des principes qui veulent guider la prise de décision lorsque vient le temps de donner son appui ou non au gouvernement. Donc, pour conclure, Dominique, en ce qui a trait cet enjeu qui est quand même assez invisible, comme tu le dis si bien dans le titre de ton article. Oui, malheureusement. Puis, en fait, c'est un défi tellement important qu'on espérerait voir les partis, du moins les partis qui ont une chance de prendre le pouvoir, là, se commettre davantage là-dessus. Alors, à part le Parti vert, on assiste à des propositions très timides par rapport aux volontés réelles de s'intéresser à ce que je pourrais appeler plus le dérèglement climatique que les changements climatiques. En effet. Après la pause, Claude Vaillancourt qui va nous parler des autres enjeux si importants dans cette campagne électorale fédérale. If he wanted something weird to happen in his script, he could just do it. Du 16 au 27 septembre, c'est le Festival de cinéma de la ville de Québec. Des premières au Palais Montcalm, des parties au 964, la classe de maître de Denis Arcand et Denise Robert, des films événements au Théâtre Les Gros Becs, des incontournables au Cinéma Quartier, des projections en plein air sur Place Youville de Retour vers le futur 1, 2 et 3, la projection symphonique du Fantôme de l'Opéra sur l'orgue Casavant. Et ça, ce n'est que le début. Don't do that, and they do it. Billets fcvq.ca. Pour vous aider à faire votre choix aux élections fédérales 2015, l'équipe de CKRL 89.1 s'associe à montlimoilou.com et Équiterre afin de vous convier à un débat présenté le mercredi 30 septembre à 19h au Centre Jean-Guy Drolet, 16 rue Royale-Roussillon. Vous aurez l'occasion d'y entendre quatre des candidats de Beauport-Limoilou. Donny Berbéry, du Bloc, Antoine Bugeaud, du Parti libéral, Aloupa Clark, du Parti conservateur et Raymond Côté, du NPD. Vous ne pouvez pas être sur place? Le débat sera diffusé en différé sur CKRL 89.1 le vendredi 2 octobre dès 10h. Profitez des vacances et de la nature. Depuis plus d'un siècle, Canot Légaré vous permet de canoter sur la magnifique rivière Saint-Charles. Faites une excursion de 20 km en eau calme et en pleine nature à seulement 15 minutes de Québec. Canot Légaré vous offre le plus grand choix d'embarcations de la province. Pour du canot ou du kayak en eau calme ou en eau vive, en solo, en tandem ou en groupe, ils ont l'embarcation dont vous avez besoin. Vous pouvez également louer les tout nouveaux paddleboards. Location à l'heure ou à la journée, réservée par téléphone au 88 843 79 79 ou consultez notre site internet canotlegaré.com. Le 27 septembre de 9h à 11h, CKRL présente en direct de la ligne de départ sur la 3e avenue son émission spéciale, la course de la cité Limoilou Sport Expert. Plus de 500 adultes et enfants sont déjà inscrits. Qu'attendez-vous? Animation, ambiance musicale et plaisir garanti. Une collaboration de la SDC Limoilou, courseapied.ca, la Pharmacie Brunet, la Caisse des Jardins Limoilou et CKRL. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % au Café Castello, 2909 Première Avenue. CaféPremièreAvenue.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. CKRL 89.1. De retour au Grain de sable avec Dominique Bernier qui nous a fait un beau résumé en première partie de l'émission sur les enjeux invisibles au changement climatique, mais il y a d'autres enjeux qui ont été diffusés grâce à Attaque Québec dans leur bulletin que vous pouvez aller voir après l'émission ou pendant l'émission si vous voulez nous suivre un peu mieux. On peut aller sur le site Attaque Québec pour aller voir ce bulletin qui vient tout juste de sortir, tout à fait chaud, et c'est pour mieux informer, pour permettre de choisir le bon vote aux prochaines élections fédérales qui auront lieu, comme vous savez, le 19 octobre prochain. La campagne électorale bat son plein, évidemment, et comme toujours, la politique spectacle l'emporte. D'après Claude Vaillancourt, les médias cherchent constamment à nous signaler qui fait les bons et les mauvais coups, comme dans une compétition sportive. Les chefs de parti pensent d'abord et avant tout à leur image, lancent leurs promesses quotidiennes dans une mise en scène bien huilée et évitent les sujets les plus controversés. Nous avons donc Claude Vaillancourt avec nous. Vous êtes toujours d'accord avec ce que vous avez écrit dans le bulletin? Oui, oui, bonjour Jean, bonjour Dominique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis Dominique disait quelque chose qui est très important tout à l'heure, c'est la difficulté d'aller chercher de l'information sur les sites des partis politiques. Bon, c'est quand même le principal contact, là, et il s'arrange pour que ça soit une confusion totale. Il y a une esthétique qui est carrément publicitaire là-dedans. On voit l'image des chefs, on voit des slogans, mais lorsqu'il s'agit d'aller chercher une information, eh bien, c'est extrêmement difficile. Puis, peu importe les sujets dont on traite dans les bulletins, là, je pense que chacun qui avons collaboré à ce numéro-là, nous sommes heurtés à ce même problème-là. Alors, on peut se poser une question fondamentale. Si les partis ont peur à ce point-là de parler de leur politique en ce qui concerne les choses les plus importantes, on peut carrément se demander s'ils veulent pas tout simplement qu'on signe un chèque en blanc là pour les élections. Donc, personnellement, je trouve que c'est un petit peu inquiétant, là, cette façon de traiter l'information sur leur site Internet. Et donc, vraiment, les sites des différents partis politiques ne sont pas vraiment conçus pour qu'on y trouve facilement le genre d'informations que nous que vous cherchiez, là. Exactement, oui, c'est tout à fait ça, oui. Mais d'abord, Claude Vaillancourt, là, je vais m'adresser aux spécialistes du libre-échange, hein. On sait que vous êtes quand même professeur de littérature et auteur d'essais, de nouvelles et de romans, mais comme président de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, donc ATAC Québec, vous avez analysé avec de vos collaborateurs, dont Catherine Caron, quelle est la position des partis politiques en matière de libre-échange? Oui, tout à fait. C'est Catherine Caron qui a écrit l'extrait, mais c'est quelque chose que je suis de très près personnellement. Le seul parti qui est vraiment ouvertement opposé au libre-échange, là, pour des raisons qui sont quand même des raisons très intéressantes, c'est le Parti vert. Alors là, c'est clair dans le programme, il n'y a pas de doute possible. tous les autres, il y a une espèce d'ambiguïté fondamentale. Je dirais qu'à part le Parti conservateur, il y a une espèce d'unanimité, c'est autour de la gestion de l'offre. Hein. On sait que la gestion de l'offre, c'est ce qui permet de protéger la volaille, les fromages, par exemple, les produits laitiers, des exportations étrangères. Et ce qui est très important, parce que nos fermes, ici au Québec, ça produit beaucoup de ces produits. Donc, il y a un lobby très intense de la part de l'UPA, par exemple, pour protéger la gestion de l'offre. Alors, ce qui fait que ça, c'est devenu un sujet dont on a beaucoup parlé. Et finalement, à part les partis conservateurs, ils sont tous contre ça. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects qui concernent le libre-échange. Et ça, encore une fois, un petit peu comme les questions environnementales, là, il y a un flou total, un silence qui est extrêmement dérangeant, alors que le Canada est quand même en train de conclure des accords très importants, comme l'accord transpacifique avec 11 pays de la zone du Pacifique, l'accord à l'Union européenne qui est pas encore terminé, cette histoire-là. Donc, c'est un silence qui est un petit peu inquiétant, encore une fois. Est-ce que c'est un silence aussi qui est en fonction des fameux programmes de compensation financière qu'on voulait offrir aux fromagers, aux fabricants de fromage au Québec? Est-ce qu'on est silencieux aussi là-dessus, même si c'est un enjeu qu'on a entendu parler dans la dernière année? Oui, mais ça, c'est une promesse des conservateurs. Ils se sont dit, ben écoutez, on a signé un accord qui va pouvoir potentiellement détruire toute votre industrie du fromage artisanal, donc on va vous donner des compensations financières, sauf que le chiffre n'a jamais été lancé. Et le Parti conservateur n'a jamais lancé officiellement ces mesures-là. En fait, ce qu'on veut transformer, c'est un système de gestion de l'offre par un système de subvention, un peu camouflé, mais dans le fond, c'est la solution la plus simple, ce serait tout simplement de ne pas toucher à la question de la gestion de l'offre, ça c'est sûr. Et Dominique, oui? Oui, ben, il y a le NPD qui avait une position, où il voulait faire en sorte que la question environnementale fasse l'objet d'accords contraignant qui est préséance sur les accords économiques. Ça fait partie de leurs propositions anciennes, disons, qui ont été votées en congrès, mais ils sont absolument muets sur la question depuis le début de la campagne électorale. C'est vraiment désolant. Oui, tout à fait. Puis on sent même qu'au sein du NPD, il y a comme une volonté de taire cette question-là. Tout à fait. Parce qu'ils se sont fait beaucoup attaquer historiquement par les conservateurs. Vous êtes contre le libre-échange et donc vous n'êtes pas compétent d'un point de vue économique. C'est intéressant de rappeler que le NPD, historiquement, a été un parti qui était très, très efficace dans la lutte contre le libre-échange, très compétent là-dedans. Et là, tout à coup, depuis que Mulcair a pris la direction du parti, eh bien là, on a comme mis ça de côté, puis on dit finalement la politique du NPD, c'est de choisir à la pièce hein, dans les accords de libre-échange, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ben moi je trouve qu'une attitude là aussi ambiguë, ben ça nous prépare à une espèce de virage radical qui pourrait faire qu'une fois rendu au pouvoir, ben le NPD pourrait potentiellement appuyer et soutenir les accords de libre-échange. Tout ça, on a vu ça historiquement, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, le Parti libéral qui était férocement contre le libre-échange là dans les années 80, tout à coup, une fois qu'il a pris le pouvoir, ben il a puis c'est totalement. Donc, moi, je trouve que la position du NPD, actuellement, est une position qui n'est pas claire, qui est un petit peu inquiétante. Ceci dit, au sein du parti, on sait qu'il y a quand même tous ces vieux militants qui ont travaillé très fort contre le libre-échange, qui sont peut-être une garantie là, certaines surveillances, mais est-ce que ça va être suffisant? Mais ça, on peut se poser la question. On va l'espérer. On sait dans le système politique dans lequel on vit, de monarchie constitutionnelle, une fois que le premier ministre est élu, c'est dans les officines du PMO, du Prime Minister Office, que tout se décide. Donc, souvent, les députés d'arrière-ban n'ont pas beaucoup d'influence sur ce qui se décide et ce que les conseillers proches du premier ministre élu décident eux-mêmes dans leurs officines. Oui, ça, c'est très important parce que le processus de ratification des accords de libre-échange, c'est le Parlement est consulté. Hein? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir décisionnel. Donc, le bureau du premier ministre peut dire tout simplement que, bon, il va y avoir un débat où il n'y en aura pas là-dessus et que l'accord sera signé de toute façon. Donc, le processus démocratique de ratification d'un accord de libre-échange au Canada, en tout cas actuellement, là, est vraiment pas rassurant. Il donne effectivement énormément du pouvoir à un parti qui est élu majoritaire. Là, en fait, il peut adopter un accord de libre-échange en claquant du doigt, tout simplement. Mais il y a eu quelques efforts à l'époque du Bloc québécois. Daniel Turge, je me souviens, c'était même mon sujet de maîtrise à l'université à l'ENAP. Oui. C'est qu'il y avait des projets où on devrait obliger de consulter la Chambre des communes, autrement dit, de consulter les députés qui aient un vote sur chacun des traités jugés importants. Alors, oui. Ça s'est fait avec le projet de loi 52 à Québec, à l'Assemblée nationale, quand Daniel Turp est devenu député du Parti québécois avec Louise Beaudoin, ils ont réussi à présenter un projet de loi qui allait obliger de consulter. Mais en fait, quand c'est un traité, et c'est le fédéral qui est responsable du traité, les provinces ont beau voter ce qu'ils veulent, c'est le fédéral qui décide. C'est une loi qui est intéressante, c'est sûr, ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de la démocratie, mais effectivement, alors que c'est le gouvernement fédéral qui décide que toute la juridiction de s'occuper des accords de libre-échange. Donc, c'est évident que ça donne pas énormément de pouvoir, encore une fois. Mais il y a un sujet dont vous êtes un expert. Certes, vous avez fait plusieurs conférences, formations, je pense qu'il y a encore des ateliers disponibles si les gens veulent s'inscrire pour la taxe sur les transactions financières, essayer de démêler tout ça. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que vous semblez penser que c'est négligé, encore une fois, dans la campagne électorale. Oui, ça, c'est carrément un sujet qui est désespérément absent de la campagne électorale. Pourtant, c'est le gouvernement fédéral qui a le pouvoir de décider en ce sens-là. On sait que la taxe de transactions financières, c'est quelque chose qui est très important, à la fois pour contrôler la spéculation, qui peut être très nocive sur l'économie, et aussi qui peut engendrer des sommes considérables qui peuvent être investies dans les services publics. Puis en notre période d'austérité, c'est quand même de l'argent extrêmement précieux. Donc, c'est un bon projet qui a des appuis partout dans le monde, qui a des appuis chez les économistes, qui a des appuis chez certains chefs d'État. Et c'est un sujet dont on ne parle absolument pas. Le seul parti qui, sur son site, a une mention très claire là-dessus, qui appuie l'idée, c'est encore une fois le Parti vert. Mais sur les autres, là, c'est vraiment silence radio, il n'y a absolument rien là-dessus. Comme si c'était une espèce d'enjeu sans importance. Il y a le prix à payer, en fait, qui fait la démonstration, le documentaire Le prix à payer, qui, je crois, est encore disponible gratuitement. J'ai vu cette semaine, grâce à la suggestion de Michael Lessard, qui nous avait suggéré la semaine passée. Quel beau reportage, bonne idée. Oui, sur tout.tv, ici.tout.tv, là, le site de Radio-Canada où on peut voir la télé en ligne, le prix à payer est disponible et il est abondamment question de la taxe sur les transactions financières comme moyen pour pallier, en fait, à une finance débridée. Exactement. Puis dans ce que le film aussi souligne, c'est à une époque où l'évasion, l'évitement fiscal est si facile de contourner le fisc, cette taxe-là aussi, elle a cet avantage qu'elle est très, très difficile à éviter. Hein. C'est comme une formule mathématique là qu'on met dans les ordinateurs, puis là, une petite portion de chaque échange qui arrive directement dans les comptes des États où la transaction a lieu. Donc, c'est quelque chose qui est très, très difficile à contourner, finalement. Alors, aussi, dans cette logique de combattre l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, ça, c'est un autre avantage de cette taxe-là. Mais si on revient à nos oignons, là, M. Vaillancourt, la taxe de transactions financières, quelle est la position de chacun des partis? Est-ce que ça vaut à peine d'en parler, finalement? Bien, c'est intéressant que, oui, ben, quand même, le NPD, ça fait longtemps, ça, c'est à la fin des années 90, s'était allié avec les libéraux pour qu'on adopte une position de principe favorable à la taxe. Donc, il y a eu quand même une espèce de réflexion qui s'est faite là-dessus au Parlement canadien. Les conservateurs avaient voté contre. D'une manière assez surprenante, le Bloc avait voté contre, mais est revenu un petit peu plus tard sur cette position. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu une réflexion dans le passé là-dessus. Les conservateurs, ça c'est clair, qui ont été un des adversaires les plus féroces de la taxe. Et c'est important de se rappeler le sommet de Toronto en 2010. À l'échelle internationale, il y avait eu toute une campagne. On l'appelait la taxe Robin des Bois à ce moment-là pour la mettre en évidence. Ça devait être un sujet dont on aurait discuté à ce G20. Et le Parti conservateur avait dit, qui était donc le parti au pouvoir à ce moment-là, avait dit non, on parle pas de ces taxes-là. Et dans toute sa subtilité, Stephen Harper a dit les Canadiens n'ont pas besoin d'une nouvelle taxe. Hein, comme si c'était une taxe pour les Canadiens, alors que c'est une taxe qui cible uniquement le milieu de la finance. Donc, ça fait que ça a été écarté et ça a beaucoup nui, finalement, parce que cette campagne en faveur d'une taxe Robin des Bois avait été très efficace. Et ça a fait comme, depuis ce temps-là, faut dire aussi que les banquiers s'y sont mis là pour faire une campagne de propagande très, très efficace contre cette idée-là. Ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a des reculs assez importants, mais ça serait très intéressant si un parti avait le courage de la relancer, mais ça semble pas être le cas. En tout cas, chez les partis qui sont en position de prendre le pouvoir. Mais on a l'exemple en Europe, je ne sais pas si vous êtes familier, mais j'ai un extrait que je pourrais entendre et commenter, M. Vaillancourt. Oui. En fait, vous savez, Reporter.net, qui a été fondé par Hervé Kempf, que vous connaissez sûrement par ses écrits, oui, oui, ancien correspondant du journal Le Monde en environnement, il a fondé ce site et il accepte, quand on mentionne la source, Reporter.net, de prendre des extraits de leur chronique qu'ils appellent « Une minute, une question » et une question qu'on a posée à M. Alexandre Nolot, responsable de plaidoyer secteur financier et RSE à Oxfam France. « Peut-on espérer un accord sur une taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne avant COP21? » Écoutons. Alexandre Nolot, peut-on espérer un accord sur la taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne avant la COP21? Alors non seulement nous pouvons l'espérer, mais nous devons l'espérer. Le 6 octobre prochain, les ministres des Finances se réuniront pour discuter de la taxe sur les transactions financières et notamment de qu'est-ce qu'on doit taxer et à quoi doit-on consacrer les recettes de la taxe sur les transactions financières. Donc nous appelons évidemment le président de la République ainsi que le ministre des Finances Michel Sapin à signer un accord ambitieux sur la taxe sur les financières, sur toute la spéculation et à convaincre ses homologues européens à consacrer la taxe aux enjeux sur le climat et à la fin de lutte contre le sida. Alors, la Commission européenne estime une taxe sur les transactions financières à 34 milliards d'euros si et seulement si elle est appliquée à tous les produits financiers, à toute la spéculation financière, c'est-à-dire les actions, les obligations et les fameux produits dérivés responsables de la crise financière. Alors il est absolument opportun d'adopter cette taxe pour deux raisons. La première chose, parce que les financements sont absolument au cœur des négociations. Les pays au développement, les pays émergents n'attendent que cela pour signer un accord ambitieux et solidaire sur un climatique. Et la deuxième chose, nécessairement parce qu'il y a des besoins majeurs financiers pour financer l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, les pays pauvres souffrent déjà du changement climatique. Il est urgent de mettre en place des financements innovants, comme la taxe sur les transactions financières, pour combler ses besoins. Pensez-vous, Claude Vaillancourt, que ça se réalisera? Il faut l'espérer, mais le parcours de cette taxe, on sait qu'il y a 11 pays européens qui ont adopté le principe d'une taxe européenne. Là, il s'agit maintenant de la mettre en place. Mais dès que ça s'est officialisé, là, alors là, le lobby des banques a fait vraiment une attaque intensive contre cette taxe. D'abord, pour la diminuer le plus possible. Là, on parle d'une taxe sur l'ensemble des produits financiers. Bien, on a fait une espèce de sélection de plus en plus restrictive des produits financiers. Et finalement, on le réduit à presque rien. Mais là, c'est là que, heureusement, quand on s'est rendu compte de ça, plusieurs organisations comme ATTAC, comme Oxfam, par exemple, se sont rendu compte « Hey, vous êtes en train de complètement dévaluer cette idée-là. » Donc, il y a eu une espèce de retour, de nouvelle charge pour imposer cette taxe sur les transactions financières. Est-ce que ça va être fait d'ici la conférence de Paris? Bien, on l'espère. C'est très difficile de savoir, mais en tout cas, c'est une bataille très, très forte parce que les banquiers ne veulent absolument pas avoir cette taxe-là pour deux raisons. Premièrement, parce que ça réduit un petit peu leur pouvoir, puis aussi parce que c'est un premier pas dans une forme de transaction, de taxation des transactions financières. Donc, c'est donc ils ne veulent absolument pas. Eux, leur volonté, c'est de pouvoir fonctionner avec la plus grande liberté sans aucune contrainte. Or, ça, c'est une contrainte très réelle, même si, dans le fond, ça leur demande un sacrifice qui est très restreint, c'est-à-dire la proportion de cette taxe, elle est vraiment très, très basse. Mais peut-être ce qu'ils aiment surtout pas, c'est que ça ralentit la spéculation, et on sait à quel point pour les banques c'est important de maintenir cette espèce d'activité spéculative qui est à la fois très rentable puis qui leur donne aussi beaucoup de pouvoir. Donc d'ici la fin novembre, pensez-vous qu'au Canada on aura mis cet enjeu de taxe Tobin, ou appelons-le par son nom, la TTF? Oui, ben si on regarde ce qui se dit dans la campagne électorale, là, l'élimination de cette idée-là de la campagne électorale, je pense pas que ça va venir du Canada. Là, je pense pas que les actions en faveur de cette taxe vont venir du Canada. Fort heureusement, ailleurs dans le monde, il y a des endroits où on milite activement en faveur de ça. Donc, mais je pense que C'est ça qui est assez paradoxal avec cette taxe. C'est une très bonne idée. Elle est soutenue par beaucoup de gens, mais sa mise en place semble être beaucoup plus difficile qu'on le pensait. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à une réunion d'attaque en Europe où il y avait tous les spécialistes de cette question-là de la taxe qui disaient la question, c'est pas si ça va se réaliser, c'est quand ça va se faire. Et ça fait 3 ans de ça. Donc, ça veut dire que, encore une fois, c'est toujours la même chose, hein, devant cette idée qui est très, très bonne, les adversaires ont sont mis à réagir beaucoup plus fortement qu'avant et il semblerait que leur opposition soit malheureusement très efficace. Est-ce qu'elle va être suffisante? Donc, c'est encore une histoire à suivre. Oui, je me souviens à l'époque où c'était un enjeu, il y a 3 ans, j'étais allé à des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, donc le Parti Vert français, et qui, eux, mettaient de l'avant avec tous les partis verts mondiaux dans le cadre de rencontres internationales que, et à l'époque, ils avaient 2 ministres au gouvernement français. Mm-hmm. Et il y avait les Allemands aussi qui s'en mêlaient, qui avaient certains pouvoirs dans certains Länder allemands. Et eux disaient, oui, une taxe financière, à condition que la moitié des revenus servent au développement international, autrement dit, à l'aide au développement dans les pays dans le besoin. Et ça, est-ce que ça fait partie des réflexions? Ah, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, si c'est pas ça, la taxe a quasiment pas de raison d'exister parce qu'il y a plusieurs adversaires de la taxe qui sont de gauche et qui disent oui, mais si ça devient une taxe ordinaire qui finance, par exemple, l'armée, il n'y a personne qui veut de ça. Donc, c'est vraiment pour les services publics, pour les changements climatiques et pour aussi l'aide internationale. Ce qui est assez particulier aussi de la taxe sur les transactions financières, si elle se met en place, ça va être la première source de revenus européenne. C'est-à-dire que toute la taxation se fait à l'échelle des pays. Donc, ça va être la première fois que l'Union européenne a une source de revenus qui va aller dans les coffres de l'Union européenne. Donc, ça, c'est très, très nouveau, hein, et ça va demander, bien sûr, une espèce de réflexion sur la distribution de cette taxe-là. Mais tous les mouvements comme ATTAC, comme Oxfam, tous les autres qui sont en faveur de cette taxe, eh bien, ils veulent, évidemment, ils sont très, très vigilants. On veut que cette taxe-là serve absolument à des choses nécessaires, hein, comme celles que j'ai nommées. Et en terminant, le dernier dossier que vous abordez dans votre bulletin spécial, c'est la lutte aux paradis fiscaux. Que fera le Canada? Oui, encore une fois, le gouvernement conservateur a été très, très décevant dans la lutte aux paradis fiscaux. Et encore une fois, aussi, les informations qui sont disponibles sur Internet sont très, très difficiles à trouver. C'est très clair que dans le cas du Parti conservateur, ben là, on peut évaluer ce qu'ils ont fait dans le passé. Puis ce qu'ils ont soutenu, c'est une politique de délation. Hein? On va dénoncer quelqu'un, puis c'est comme ça qu'on va... Ou si ils ont coupé beaucoup dans les vérificateurs d'impôts, ils ont résisté de rajouter certains postes maintenant, mais c'est beaucoup moins que ce qu'ils ont coupé, donc on peut pas faire de travail efficace. Les autres partis, qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Mais encore une fois, ça reste très flou. Alors, on peut pas dire que ça aussi, c'est un enjeu électoral important, alors qu'on sait que l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, c'est des sommes majeures qu'on perd, encore une fois, dans un contexte d'austérité. Se demander à quel point c'est acceptable. Merci, Claude Viancourt. Dominique, en terminant? Oui, en fait, je voulais juste mentionner que lors du débat des chefs sur l'économie de jeudi soir, qui était organisé par le Globe and Mail, en fait, c'est l'un des commanditaires de l'événement, c'est Google, qui est pas connu pour être un modèle de justice fiscale. Certainement pas. Il y a les Canadiens et le groupe Canadien pour une fiscalité équitable qui a dénoncé cette implication de Google-là en disant que c'est un conflit d'intérêts, étant donné qu'ils doivent environ 2 milliards de dollars là qui a échappé au contrôle fiscal des différents États. C'est en effet parmi les champions de l'évitement fiscal. Merci beaucoup, Claude Vaillancourt, Dominique Grenier, pour cette émission Le grain de sable sur les élections fédérales. Je ne sais pas si on a réussi à mettre un grain de sable dans l'engrenage des élections, mais au moins, si on a contribué à votre réflexion sur ces sujets si importants pour choisir notre prochain gouvernement qui nous représentera dans la signature des prochains traités internationaux à COP21 à Paris, au sommet de Paris sur les changements climatiques, et dans toutes ces possibilités de négocier une taxe sur les transactions financières. Merci. Merci, Jean. Merci. Téléchargez Le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.